franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Mes parents me racontaient qu'ils allaient passer leurs vacances à Saint-Nazaire, qui était un repère de yéyé. C'est un petit peu passé de mode, ça, les yéyés. Oula, oui, Margaret, t'as un train de retard, c'est fini, les yéyés. Je sais. Et oui, non, maintenant, c'est le rap, le hip-hop et autres smurfs. Voilà, ça, c'est quand on est chez Bran. Oui, ah bah, figure-toi qu'on ne dit plus chez Bran, par exemple, on dit câblé. Oui, bien, en tout cas, en 1943, cela devait être câblé d'être à Saint-Nazaire, puisque c'est dans cette ville que l'on pouvait côtoyer la plus grande concentration, si je puis dire, de troupes allemandes. Bonjour Christelle. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Docteur. Bonjour. Oui. Pardon, docteur. Voilà, je vous appelle parce que je suis victime de harcèlement au travail. D'accord. Ouh là là, attendez. D'abord, c'est quoi votre travail? Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer avec autant de véhémence que vous êtes victime, déjà, et en plus de harcèlement? Parce que vous vous rendez bien compte que c'est une accusation très très grave. Oui. Bah, j'en ai parlé avec la DRH. Et le procès vient de se terminer et de me donner raison. Ça a quand même duré 7 ans. Hein. Ben vous avez été très patiente. Donc c'était un harcèlement léger. Hein. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 7 ans, vous vous êtes dit « Oui, ben non, ben là, aujourd'hui, ça y est, j'en ai marre. Ah » Ben, je n'ai pas décidé que j'en avais marre. Ça a été très progressif et puis c'est devenu de plus en plus insupportable. Mmh. Je vomissais le matin avant d'aller au travail. Je faisais des crises de tétanie. C'est quoi votre travail ? Je suis au rayon charcuterie traiteur d'un hypermarché dans la banlieue de Saint-Nazaire. Moi, j'adore la charcuterie. Attention, Christelle, hein, qui dit crise de tétanie dit convulsion et risque d'avaler sa langue. Hein ? Ah non, c'est l'épilepsie, ça. Oui, je sais ça. Je dis juste qu'il y a aussi ça. Voilà. Et les derniers temps, le directeur du magasin venait de plus en plus souvent me faire des remarques et même me dire des insultes. Et... Vous faisiez quoi pour qu'il vous insulte ? Bah rien. Il mettait la pression de plus en plus fort, surtout n'importe quoi. Oui, sur quoi ? Bah surtout tout, moins de petits trucs. Par exemple, une fois, j'avais pas fermé le premier bouton de ma blouse, bah il m'a fait une scène devant tout le monde. Bah oui, mais enfin, ça doit pas être très hygiénique pour les clients d'avoir affaire à une vendeuse débraillée, hein ? Non, mais c'était juste un prétexte pour m'humilier, tiens. Alors, attendez, pourquoi ? Et, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se développe ainsi, hein ? Bah. Moi, je crois que les 2 premières années, il a essayé, comme avec beaucoup de filles ici, de me mettre dans son lit. Mmh. J'ai refusé plusieurs fois. Et dans son bureau, un jour, il a été carrément limite. Et je l'ai poussé. Et puis, voilà, depuis, il me fait vivre un enfer. Mmh. Ah, c'était pas du tout votre type. Non, mais c'est pas le problème. Hein. Il doit pas se venger de ça. D'accord. Il n'y a même pas une petite qualité chez lui qui vous ferait un peu craquer. Non, mais c'est un sale type, c'est tout. Non, mais il ne fait que mettre la pression sur ses employés. C'est le règne de la terreur. Ou enfin, la pression, il ne faut pas non plus... Quel type de pression est-ce que vous avez au rayon charcuterie traiteur, hein? Ou alors, oui, si, peut-être que vous avez un fixe et des stock options. Alors, c'est ça, du coup, il y a la pression des actionnaires? Bah non, j'ai juste mon salaire. D'accord, oui, donc c'est pas non plus une pression professionnelle. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que votre principale pression, c'est d'être sûr de ne pas vous mélanger les pinceaux entre mousse de canard et pâté de porc. Quoi. Mm-hmm. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui n'en mange pas. Oui, et donc Christelle, ce harcèlement, là, comme vous dites, s'est soldé comment? Puisque vous avez gagné cette bataille judiciaire. C'est la vraie raison de mon appel. En fait, le tribunal a condamné le directeur à me faire des excuses et à me verser une indemnité de 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros. Oui, c'est pas 100 000 euros. Hein. Donc le préjudice devait pas être très... Mais non, bah, et pour moi, c'est quand même 4 mois de salaire. Oui. Et il s'est excusé ? Oui. Bon, bah, c'est pas un mauvais bougre. Bah, il était obligé. Oui, mais pour un ex-amoureux éconduit, ça devait pas être si simple, hein ? Ouais, mais le problème, c'est que la direction n'a pris aucune mesure disciplinaire contre lui et que du coup, ben, lundi matin, on va se retrouver au supermarché et ça va être horrible. Mais vous n'en savez rien, Christelle. Vous vous mettez la pression toute seule. Si ça se trouve, eh ben, vous allez lui trouver ce petit charme qui lui faisait tant défaut pendant ces 7 années. Vous savez ce que c'est que d'être harcelé, d'avoir à rendre des comptes en permanence, de se sentir épié, de juger. Oui, alors je vous rappelle, Christelle, que nous avons ici à la radio la pression des audiences et qu'il y a des jours où on aimerait mieux eh bien, être au rayon charcuterie traiteur, hein, Philippe ? Oula, oui, d'autant que alors je raffole des rayons. Moi, je vous appelais pour vous faire part de mon nouveau problème et puis là, j'ai l'impression que de me retrouver en face de ma DRH qui me refusait d'admettre le préjudice que je subissais. J'ai quand même gagné en justice, il a été reconnu coupable. Je suis une victime. Oui, alors, oh, attention, Christelle, si vous vous positionnez sans arrêt en victime, il est certain que vous n'allez attirer que des prédateurs. Hein. Alors, allez, table rase du passé, lundi, je vomis pas. Je vais au supermarché, je pense à tout ce que je vais pouvoir m'acheter dedans avec mes 5 000 euros, je souris au directeur qui s'est excusé, je dispose joliment mes petites barquettes de Macédoine et de champignons à la grecque et j'oublie pas de fermer le premier bouton de ma blouse. Et surtout, j'essaie de m'investir dans la vie de l'entreprise parce qu'il s'agirait peut-être de devenir un jour le nouveau directeur. Et oui, pourquoi pas? Et elle serait là, la belle revanche. Non mais dans quel monde ça arrive, ça? Dans le vôtre? Bon. Voilà, alors j'aurais répondu dans le monde des battants, si Christelle avait bien voulu écouter, oui, dans le monde de ceux qui croient en eux. Hein. Alors vous savez, Christelle, si vous nous écoutez encore, peut-être votre directeur a-t-il simplement répondu aux signaux, conscients ou pas, que vous lui avez envoyés. Et ma chère Christelle, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance aux autres. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Johann Wolfgang von Goethe. Et il a raison. Yann Chouquet a mis en onde cette émission. Yann, qui ne se sent pas harcelé, on espère. Hein? Bah, je sais pas, il répond pas. Non, il baisse les yeux. Il n'ose pas, peut-être. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.